Salut les cailloux, c'est toujours Radio Cayenne et du coup je voulais vous lire un dernier article. Alors c'est au cas où vous auriez loupé l'info encore une fois, du coup ça s'est passé le 4 juillet à Chambéry. Du coup un homme meurt d'une crise cardiaque au cours d'une expulsion musclée de HLM. Je suis désolée, j'ai que l'article du Parisien sous les yeux pour vous en parler, donc je vais vous lire ça, ce sera toujours mieux que rien. Alors que les policiers étaient venus pour expulser une famille de leur logement, le père de famille s'est rebellé. Les policiers l'ont traîné jusqu'à leur voiture avant qu'il ne fasse un malaise. Ouais, bon. Les témoignages disent que c'était plutôt dans les escaliers que ça s'est passé, mais bref. La cité de Bellevue, sur les hauteurs de Chambéry, Savoie, est sous le choc. Mercredi après-midi, un père de famille est décédé d'une crise cardiaque alors que les policiers étaient venus pour l'expulser, lui, sa femme et leurs quatre enfants, de l'appartement. La famille, dont le dernier né n'a que quelques jours, habitait depuis près d'un an au premier étage d'un HLM, mais ne payait pas ses loyers. Lorsque les policiers sont arrivés, Lagdar, 50 ans, a refusé de quitter le logement et s'est énervé. Il s'est pris la tête avec les policiers et il s'est débattu alors qu'ils essayaient de le menotter. Ils les insultèrent, raconte au Parisien un voisin, témoin de la scène. Bon, c'est un peu logique. Selon plusieurs personnes présentes, les forces de l'ordre auraient traîné de force l'homme dans l'escalier. Il continuait de s'énerver, puis il leur a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il a fait un premier malaise, rapporte ému un habitant de l'immeuble. Les policiers auraient ensuite traîné Lagdar jusqu'à la voiture où il aurait fait un nouveau malaise. Au moment où ils l'ont sorti pour faire un massage cardiaque, sa tête aurait heurté le sol. Ils ont ensuite procédé au massage cardiaque, puis les secours sont arrivés, mais n'ont pas réussi à réanimer la victime. Ce n'est pas la France. C'est la honte, il voulait juste garder son appartement pour sa famille, il en a payé le prix cher, la mort, dénonce un témoin. Mourir comme ça, c'est trop triste, ce n'est pas la France, ajoute un autre habitant. Et pourtant, si, c'est bien la France. Plusieurs personnes assurent que les policiers étaient au courant que l'homme était malade. Il leur avait dit, j'ai un pacemaker. Les deux autres fois où ils sont venus pour l'expulser, précise un voisin. Mercredi, lors de l'interpellation, des personnes leur auraient également signalé sa santé fragile, notamment deux jeunes au moment où Lagdar était traîné dans la voiture. C'est sûr qu'il s'est énervé, précise un autre voisin. Mais je leur ai dit, attention, ce mec, il est malade, il a déjà fait des crises cardiaques, assure cet homme qui s'est dit prêt à témoigner devant la police. La directrice départementale de la sécurité publique de Savoie a parlé d'un drame terrible, mais a refusé de commenter le scénario des faits. Une enquête de l'IGPN a été ouverte. Une cellule psychologique a été mise en place. Attention, pour les habitants et les policiers. Bah oui, les pauvres, ils sont choqués de leur métier de merde, c'est sûr. Mais c'est pas eux qui meurent dans les expulsions. Donc voilà, au cas où l'info vous aurait échappé, encore un mort tué par la police. Et cette fois-là, en lien avec la pauvreté et les expulsions HLM. Super. Désolé. Pour la bonne humeur, faudra repasser. On va peut-être remettre quelques chansons de la playlist de tout à l'heure, hein. Ça nous fera pas de mal. Bon, c'est pas ce qui est prévu, à ce qui paraît. Allez, bisous les cailloux. Soit ton pays, unis et fiers, éduqués, dis-moi qui.